tous. Dimanche soir, minuit, 1h, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Are you ready? Let's go! Are you ready? Passez une bonne soirée, un bon dimanche soir. Le retour de Case au platine de ce Rail Suprême. Comment ça va, Case? Ça va très très bien après quelques événements tragiques la semaine dernière. La semaine dernière, et d'ailleurs, on a encore une fois de plus une pensée pour tous ceux qui ont été touchés, tous les proches, les victimes. On salue aussi les gens qui ont peut-être de la famille du côté de Bamako au Mali, puisque ça a aussi encore frappé là ce vendredi. Dur en ce moment. En ce moment, c'est la période de fin d'année un peu corsée. Voilà, j'espère qu'on aura des meilleures nouvelles dans les jours à venir, mais on va pas quand même arrêter la musique pour ça, justement. C'est la meilleure des réponses, c'est de balancer du son ce soir. Exactement. Une heure un peu plus, mais d'ailleurs, de Rail Suprême. Bien sûr, avec un peu plus d'énergie, plus de force. Et pour ceux qui nous écoutent, voilà, c'est tous les dimanches, minuit jusqu'à 2h pratiquement. Pratiquement. 2h de mix maintenant et plus 1h. Donc l'émission cartonne grâce à vous. Et bah, continuez, merci, ça fait plaisir. Avec le hashtag Rail Suprême. Et n'hésitez pas à balancer vos dédicaces et on fera les. Les messages tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure. Hashtag Rail Suprême sur Skyrock, on attaque. Allez, c'est parti, coup d'envoi de ce Rail Suprême. Dimanche soir, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Voir le sang s'écouler, mon cœur bat, bat, bat pour tout ce qui m'entoure. Mon cœur bat, bat, bat. Peut-être ce sera mon tour. Pray for Paris. Pray for Paris. De couleur ni d'origine, ils veulent nous diviser mais vont nous réunir. La mort met tout le monde d'accord, on va leur montrer qu'on est tous du même bord. Je suis le gardien de mon frère, yeah. On a le même sang qui coule dans les veines, on prie tous le même père, yeah. Ce soir on partage tous les mêmes peines. Pray for Paris. Pray for Paris. Pray for Paris. Pray for Paris. Pray for Paris. Pray for Paris. Pray for Paris. Pray

dimanche soir et c'est Rai Suprême avec DJ Case au micro, platine, partout il est le garçon. C'est ça, il est partout et là c'était une bonne petite quarantaine de minutes bien ambiancée. Et avec des messages qui arrivent, qui tombent, qui... Bien sûr, oui. Ça des pleut en non-stop. Ça pleut de messages. Voilà, il y a Salim de Paris qui nous dit dédicace à tous les amoureux de la vie. On est tous unis, Rai Suprême c'est l'occasion de faire la fête tous ensemble. Exact. Donc voilà, c'est un bien super... Bien vu, bien vu. On l'a repéré, voilà, big up Salim. Il y a Aline qui nous dit big up à Rai Suprême que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je kiffe le mélange de musique comme ça avec mon mec, on peut s'ambiancer ensemble. Ah bah, voilà, c'est fait pour. C'est fait pour aussi. Il y a Théo qui dit big up, bug up. Bug up. Bug up. Ah, il dit bug. Il dit bug up, c'est pas mal aussi, hein, c'est une variante. Ça va, ça va. C'est Fab qui a mal. Oui, je pense qu'il a mal retranscrit le message. À tout le balut Badjo de Lille et à mon prof d'histoire qui écoute Rai Suprême. D'ailleurs, il y a moyen de reporter le contrôle de demain matin. Donc ça, je pense pas. Demander pas à moins qu'il écoute Rai Suprême, le prof d'histoire, peut-être. Mais peut-être. J'ai des doutes là-dessus quand même. Hein. Et il y a Bilal de Rennes qui dit big up à tous mes collègues gendarmes, aux policiers, en patrouille ce soir. Voilà. Et bah, une dédicace à tout le monde à l'écoute de Rai Suprême. C'est pour tout le monde, de façon Rai Suprême. C'est ça. Et est-ce que tu vas quand même continuer des soirées? Il y a des soirées quand même annoncées, Bien évidemment, ouais. Ce vendredi, je me retrouve. Tu sais, on devait faire une date le week-end dernier que j'ai repoussé donc, par rapport aux tragiques événements. Donc là, on l'a repoussé à ce vendredi, c'est le 27 novembre, c'est à Thiers, ça s'appelle le XO. Et le 28 novembre, je suis à Montpellier, au discothèque, la discothèque L'Infinity. Voilà, Infinity donc, à Montpellier. Voilà, du côté de Montpellier, on va faire péter tout ça. Et bah, loupez pas Infinity Montpellier pour retrouver Case. Et puis là, on est reparti pour une nouvelle session. Allez. Allez, coup d'envoi. Dimanche soir, c'est Rai Suprême en direct sur Skyrock. Comme à Chicago, on est dans le bendo. Flow karaté, flow taekwondo. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. T'es trop fraîche, mais bon, j'insiste pas. Ouais, tu vas danser, faut me décaler. Si allez qu'on est, faut l'étaler. Allez, allez, coup de balai. Sur la concurrence, on va les baler. Wesh, ma copine, comment ça va? Wesh, ma copine, comment ça va? 9-4-8, c'est la savane. 9-4-8, c'est la savane. Wesh, ma copine, comment ça va? Wesh, ma copine. Comment ça va? 9-4-8, c'est la savane. 9-4-8, c'est la savane. Il faut du wari, faut du wari, faut du wari, faut du wari. Il faut quitter Paris, quitter Paris, quitter Paris, quitter Paris. Il faut du wari, il faut du wari, il faut du wari. Il faut que je me marie, il faut que je me marie, il faut que je me marie, il faut que je me marie, il faut que je me marie. Mesdames, messieurs, je perds le contrôle quand je vois ses yeux. Mesdames, messieurs, je perds le contrôle quand je vois ses yeux. Mesdames, messieurs, quand je vois ses yeux. Mesdames, messieurs, je perds le contrôle quand je vois ses yeux. Ce qu'elle veut, c'est le 6.3. Pourtant, elle sait pas combien font 6.3. Je fais bouger toute ta familia. Ça fait comme un rital. Barilla, tous les quartiers, tous les ghettos. On veut la gova et le salaire à Eto. Les types cassent des Neyman. Je casse des prods. J'ai des potos qui allument, qui connaissent pas les prods. Wesh, ma copine, comment ça va? Wesh, ma copine, comment ça va? 9-4-8, c'est la savane. 9-4-8, c'est la savane. Wesh, ma copine, comment ça va? Wesh, ma copine, comment ça va? 9-4-8, c'est la savane. 9-4-8, c'est la savane. Il faut du wari, faut du wari, faut du wari, faut du wari. Faut quitter Paris, quitter Paris, quitter Paris, quitter Paris. Il faut du wari, il faut du wari, il faut du wari. Il faut que je me marie, il faut que je me marie, il faut que je me marie, il faut que je me marie, il faut que je me marie. Hé, mesdames, messieurs, je regarde le contrôle quand je vois ses yeux. Hé, mesdames, messieurs, je perds le contrôle quand je vois ses yeux. Mesdames, messieurs, je perds le contrôle quand je vois ses yeux. Mesdames, messieurs, je perds le contrôle quand je vois ses yeux. Écoutez un peu, c'est recommandé. J'ai le bon loup, trop de gens m'ont planté. Ça détour comme un raté. R.A.M. apostrophe S, enchanté. Moro, moro, vas-y, mollo, mollo. Mademoiselle, vas-y, follow, follow. Amigo, elle te rend dingo. Toi, tu la veux pendant qu'elle voulait des lingots. Wesh, ma copine, comment ça va? Wesh, ma copine, comment ça va? 9-4-8, c'est la savane. 9-4-8, wesh ma copine, comment ça va? Wesh ma copine, comment ça va? 9-4-8, c'est la savane. 9-4-8, c'est la savane. Il faut du wari, faut du wari, faut du wari, faut du wari. Faut quitter Paris, quitter Paris, quitter Paris, quitter Paris. Il faut du wari, il faut du wari, il faut du wari. Il faut que je me marie, il faut que je me marie, il faut que je me marie, il faut que je me marie, il faut que je me marie. Hé, mesdames, messieurs, je perds le contrôle quand je vois ses yeux. Hé, mesdames, messieurs, je perds le contrôle quand je vois ses yeux. Hé, mesdames, messieurs, je perds le contrôle quand je vois ses yeux. Hé, mesdames, messieurs, je perds le contrôle quand je vois ses yeux. R.A.M. apostrophe S. Apostrophe, apostrophe S. Apostrophe S. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Je manie les mélos, oui, voilà non. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs, ça paie en bas les mains. Bas les mains, bas les mains, ça roule façon Aladdin. Oh les mains, sauf les mecs, ça paie en bas les mains. Bas les mains, bas les mains, ça roule façon Aladdin. Passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça paye comme jamais, ça paye comme jamais, ça paye comme jamais, ça paye comme jamais. Contrôle la maison, apprécie mon parcours. Hende Katakoul, sale petit coquin des cocus. Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué. Fais les camos, pour deux gros coups sur la chaussée. Je suis congolais, tu vois, je veux dire. Normatisé, en direct sur Skyrock. Danse comme un show. Billets violets, feuilles à rouler. Appel les poulets, une équipe de berbères vient pour tout ravaler. Les capos c'est nous, ne viens pas te mêler. J'passe pas à la télé tant que VRB écoute, j'ai rien à prouver. Danse comme un Shaoui. Chaga. Nique tout sur la piste, amène ta go et tape du pied, danse comme un chaouillet. Yeah. Danse comme un chaouillet. Yeah. Danse comme un chaouillet. Danse comme un chaouillet. Je rentre dans la boîte de nuit. Ma gueule, tu connais les dessins. Tu veux faire la guerre avec tes bouteilles. Mon pote, on va vider la réserve. Ce soir, tout le monde est beau. Et dans ses bras écartés, y'a les mistos qui campent, qui font tout pour que vous les regardiez. La crime, la J. On veut délover, délover. On n'a rien à prouver. Trois qui sont mauvais, qui rêvent de me crever. Danse comme un Shaoui, danse comme un Kevin, danse comme un Oranais. À la fin de la soirée, c'est celui qui a bu le plus qui veut vous ramener. Danse comme un Shaoui. Danse comme un Shaoui. Prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi le retour de ton coup. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Je sais tu m'aimes. Écoute-moi, oh. tes trésors. Moi, je vaux mieux que tout ça. وهادي سيد حياتي وحبي انتي عمري وانتي حياتي تمنيت نعيش معك غير انتي اوه اوه عايشة عايشة اول قلب انشاء عايشة عايشة C'est lui et moi, mais surtout c'est lui. Yeah.

Et détends-toi cousine et vas-y j'ta. Y'a de l'oseille et que du ça. Ce soir on danse jusqu'à 7h du spa. Elles font les belles, ils font les stars. Et digi digi digi digi vas-y j'ta. Y'a de l'oseille et que du ça. Ce soir on danse jusqu'à 7h du spa. J'suis dans mon bolide. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? Woman, get busy. Just shake that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it. Get jiggy. Get drunk, so percolate. Anything you want, forgot it. I'll sell it deep, but don't take the thing. Want me see you get life on the rhythm. I'm a bad, I'm a lyric up. I'm an electric city. Girl, nobody can do you nothing, cause you don't know your destiny. Qui revient foutre la merde? C'est toujours les mêmes. Reconnais les. Y'a des chevaux plus que dans ton lambeau. Dimanche soir, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. T'es né dans les choux, j'suis né dans la braque. La liberté mon frère c'est savoureux. Tu rentres chez les temps, t'en ressors amoureux. Pour ceux qui font des sous comme nous, LW est dans le sang, on vous mettra à genoux. Nouvelle caisse, nouvelle Yas, Rolls Royce, pétasse, constable. Skyrock, Rail Suprême. On monte en l'air. I get it, I get it. On monte en l'air. Talk about it, I live. On monte en l'air. Fly cars, I whip. On monte en l'air. Big money, I flip. Hein? It's about that time, yo. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock.

est-ce que t'as ça toi? La meilleure peupe vient de chez nous. Le meilleur te vient de chez nous. On va pas dire si t'es chelou. Ah toi là t'es chelou. Les meilleures ambiances elles sont chez nous. Les meilleures te boit elles sont chez nous. Guette le paddock mais on peut toucher court. Tu veux de la violence tu viens chez nous. Du lundi au lundi c'est parti. Même les Marseillais viennent coller sur Paris. Colle la petite, traumatise la petite. Dévore la petite jusqu'à t'as plus d'appétit. Je reprends, cible ta petite. Ensuite on garde ta petite. Colle ta petite. Et puis traumatise la petite. Tu la prouves, tu la prouves. Tu la prouves, tu prouves la petite. T'as plus pas les autres des jaloux. Yeah. seul sans ville. J'tombe dans le vide, mais parce que j'ai encore vu. Je cherche encore mon bonheur pour cicatriser mes douleurs. J'en bois de toutes les couleurs. Je reste en guerre, j'ai encore une dent contre l'État. Aujourd'hui, j'ai trop les nerfs, donc s'il vous plaît, rigolez pas. Tu veux mon cœur, mais on s'est vu de fois, on se connaît pas. Passé. Si t'es passé,

de comer é uma massa. Inhame bem passada, onde será comida por todos os seus negros homens em comunhão com Deus. Ele, ele, ele, ele, ele, ele, elegico, elegico, elegico. Ele, ele, ele, ele, elegico, elegico, elegico. Ele, ele, ele, ele, ele. Vamos de bem. Ben grippe, t'as ça de la vengeance. Est-ce que t'as ça de motivé? T'as ça de toi, t'as ça de Jawana. T'as ça de toi, est-ce que t'as ça de Jean Stimson? T'as ça de Calabrone. Est-ce que t'as ça de toi? T'as ça de toi? Est-ce que t'as ça de toi? Tu dois longer les murs dans ton tchèque, viens pas faire le gros bras ici, on va te hagar. Sinon nous on se plaint pas, demande à Philippe. Attaque au sol, condition physique. Toujours attendre d'avancer Paris. Champion en titre, combien tu paries? Combien tu paries? Ah, Serge Aurier, Cisaille est petit. Prends-toi un carton pour sauver notre équipe. Et j'ai dit Cisaille est petit. Ah, découpe-moi le petit. Paris c'est ma maison, l'Arc de Triomphe c'est mon coussin. Nadine Morano a raison, je suis pas français, je suis parisien. Les Champs-Élysées, t'as ça toi? L'Arc de Triomphe, t'as ça toi? Le Trocadéro, t'as ça toi? La Tour Eiffel, est-ce que t'as ça toi? T'as ça toi? T'as ça toi? T'as ça toi? Est-ce que t'as ça toi? T'as ça toi? T'as ça toi? Tu te mêles dans des affaires, tu te prends pour un braqueur. Un jour tu traînes avec des voleurs, un jour tu traînes avec des casseurs. Un jour un mec te propose des sous pour t'armer sur un fighter. Y'en a qui savent se taire, y'en a qui fument du shit et d'autres de l'air. Pousse-toi de là si j'accélère, je trop pressé, je te monte en l'air. Inscris-toi pour tous les mêleurs, un fils des capotines pour de l'air. Je passe un zone dans le quartier, ces fils de pute ils me mettent l'œil. Petit pas de danse, ouais le rap j'suis de. Dedans des gains va t'assumer. Poto on t'a cramé, tu t'en mets dans le nez. Tu vois ton frérot à pâte, tu veux pas l'amener. J'fumais la patate du riff pendant que tu grattais des sticks. On m'a dit qu'à couler, tu sympathises avec les chemises. Routine c'est devenu banal, propé tout devant les banales. J'rentre chez moi j'suis en fumette, j'bois d'oasis fraise banane. J'suis en magie sur le jarret, j'croise des fans qui prennent des photos. J'prends pas trop la confiance, j'suis gentil. T'es pas mon poteau. Sur Ali elle est tempête bonne, mais à la base c'est une chamelle. Et voilà elle t'a mis dedans. Maintenant elle descend sa Chanel. Je mets bleu sous rosé. Ma tête tourne elle va exploser. Ça fait 13 ans que je rappe, j'ai encore faim de poser. Je serai tout terre, je fais les 100 pas. Alors tu as le droit d'être millionnaire. Petit pas de danse, ouais le rap j'suis dedans. Je dédicace dedans, merci pas quand dedans. Petit pas de danse, ouais le rap j'suis dedans. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock.

les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. DJ Case, on se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour 1 heure de mix de folie. Rail Suprême le dimanche soir avec DJ Case au platine et c'est déjà la fin. Ça fait vraiment plaisir d'être ensemble pendant cette heure-là et voir tous ces messages qui nous réunissent. Voilà, on a beaucoup de réactions ce soir. Ouais, continue à bombarder de messages en tout cas. Vraiment top, top, top de chez top. Case, rencard la semaine prochaine, d'ici là t'es en soirée, on peut te retrouver cette semaine. Et ouais, on peut me retrouver cette semaine vendredi, c'est à Thiers en région parisienne dans le 94, ça s'appelle Luxo, et le samedi à Montpellier à l'Infinity Discothèque, donc tous les gens du sud venez nombreux, nombreuses. Et puis suivez Case hein, sur les différents réseaux sociaux. Alors, n'hésitez pas. C'est ça, sur la page fan, donc c'est DJ Case, DJ espace KYZ sur Twitter, Instagram, DJ et DJ Case Paris, voilà. Donc n'hésitez pas, c'est là que ça se passe. Et on se retrouve dimanche prochain, évidemment. Merci pour cette soirée, Case et Ranka. Ouais, dans une semaine pour le prochain Rail Suprême. C'est ça. Le son, ça continue pour finir. Super bonne ambiance ici. Avec Fab qu'on dédicace comme d'hab. Ciao, passez une bonne soirée. Rap R&B non-stop, c'est reparti. Ciao.